بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد قال الشيخ الأشهر والمجاهد الأكبر شيخ الحاج عمر بالفضل السابع والعشرون من كتابه النفيس رمي حزب الرحمة على نحور حزب الرجيم وقال شيخنا رضي الله تعالى ورضا وانا به فعلى العبد ملازمتها يعني الأحكام التكليفية المتفرقة في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والدؤوب على ما يقدر عليه منها بدوام معانقة الذكر معها إلى آخره jotay bi wessu wa bisson nañ ci jalbenuk ñaar fukelu dog bi buntu bi wala ak jurom ñaar 27 bi gis nañ ay wax yo xamantene da fay wër wërlo ci surtout wax ci Cheikh Abdallah Dabakh radiyallahu anhu bimi wax ne touru yalla yi bu fekente dañ la ko jox te ki la ko jox mom aarif billah la serigne la aarif billah la bu boba daf lay jox joxala la leer gi mu andal ba pare yir la manam ba pare manam dindi wala kira yi nga xamantene mom mënon dox sa digënt lendeum manam da lay yir dal ci lendeum bi nga xamne lendum yi nga xamantene ñoo la mënon gañ attaquer wala yoy non amma kiru arif billah mom bu la joxe tour bi rek la lay jox du la joxale leer gi ba fa du la yir ci lendum ci problème yu la mëna dal ci à travers tour bobu niki non so démé rek fekk ci livre rek jël ko sa bop tam non la ma muna waqala waxna shaykhuna suñu serigne sayyid ahmed tijani radiyallahu gërem allah wa riyala taala di ko jàngu ci mom wardaaw te mu gërem lo ko anna te mbo len ci gërem nga bi ci barke mom yalla daal serigne tijani radiyallahu muné ci même masala bobu question bobu muné fa'ala al abd warna ci kawal abd jambi mulazamata mu takko mom manam lan lay takko yani mi ngi nam ci limi takko manam al ahkam atte al taklifiyat yi nga xamantene dañ ko tek ci loosu jambi dañ ko togg jambi al mutafarriqat yi nga xamne dañu takaliko fil ayati ci aya yalla wal qur'an yati ko jog al qur'an wala hadith ak hadith al shad an nabawi yati ko jog yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon jambi dafa war manam muy takko ak atte yi nga xamantene ñom ñoo ñew ci sharia te jaar ci al qur'an karim ak hadith yenenbi bi alayhi salatu wassalam waddu bi ak dox di dukkat ala ma ci kaw lepp lo xamantene yaqdiru amna katana alay ci mom minha ci atte yoy fexé ba sax di nek tout temps ci lepp lo xamne mom amna pouvoir ci mën nek ci atte yoy non ana nan la koy defé mune bi dawami ci di saxo manam mu wara nek tamit ko xamne da fay saxo muanaqati di tegante dok manam moy akolad akolada ak zikra ci di zikar maaha andak mom wanani ñi ngi nam nak di zikri ci zikar allazi bi nga xamne yakunu dana nek bi talqinin ci saw sheikhum serigne bo xamne wasilin aji jokula aji jokale la ñi ngi nam nak manam moy muy saxo tamit parce que likoy dimbali ci muy mën di nek tout temps ci li alquran wax ak li yentibi sallallahu alayhi wasallam di digle mu mën ci sax tek ci tankam liko ci dimbali deug moy saxo di zikar yi nga xamanteni nak ñoo la ci mën dem parce que ci ngay puiser ci ngay tibbe ci ngay roté énergie bi nga xamanteni mom moy nek ci sa xol ba tax li nga bëgg def ci lu bax nga mën ko def waye li nga bëgg bayyi ci lu bon nga mën ko bayyi parce que xamne nangam baxna wala nangam bonna taxul nga jël nga am ak jël décision bi sax ak bëgg bëgg bi rek taxul nga am pouvoir possibilité def ko appliquer ko mettre ko en application hein li tax nga mën ko def moy il faut que sa xol am énergie bu ci nek doole l'air moteur puissant bu puissant pour mëna def limu def manam du auto bu la neex nak ngay jël jaar ak mom ci désert bi Mauritanie da nga dem Cameroun du auto bu la neex amna auto yo xamne boko defé dañu ciang du deug du auto bu la neex tamit du parce que en fait énergie moteur bi lu muy gën di reuy day am puissance lu muy gën di am puissance motax ngay dem ba à un moment donné nga gis yenn yi ci énergie moteur moto yi la ñëw am yo xamantene auto aw yo xamantene avion dañuy mën di naw manam seen moteur moteur bi dafa am énergie dafa puissance puissance am puissance bo xamne day tax muy mëna jog di naw di décoller alors énergie donc tout dépend ci énergie bobu lool nak li la koy may moy ngay sax ci zikkar mo koy may mais zikkar bobu bi lay may ngay man di décoller di dem di meun appliquer li yalla bëgg di bayyi yentib sallallahu alayhi wasallam di def li yentib sallallahu alayhi wasallam diglé di bayyi li yalla téré di bayyi li yentib sallallahu alayhi wasallam téré li la koy may deug deug moy zikkar bi tax muy wax mu né du bu né moy bi la sëriñ buy jokkalé jox sëriñ buy jokkalé bum la jox la nekul alladhi zikr bi nga xamne yakhudhu dana ko jël abdu jambi bi ikhtiyari ci tanif bopam rek ma dawani ma andak dawami saxok al istinad di sukkandiko bil qalbi ci xol bi ila shaykhin ci serign bo xamne wasul ak jokkola lol tam daf ko wara def manam di saxo tam ci xolam ci serign bo xamantene dafa jokkolo fa in li wer bu wor moy bi dawami ci saxam ala hadhil umuri ci yile mbir yasilu nak ci lay joko ala abdu jambi ila an mbete manam jëm ci fa nga xamantene yu gawiluhu dana a dana dugg ci mom manam dana tafek nak ba nandu ci asirru secret sirru mbot ar rabbani gay ko dug borom bi alladhi bi nga xamne bi sababu ci sababu secret boba nak mbot boba yaslu ci lay joko ila tatahir ci lab al akbar bi nga xam moy bi gëna mag al mazkur bañu tuddu awalan ci njalbel alladhi te moy mom bobu huwa moy khayat moy njombatal wa muntaha te mom moy dayak ragabati xemem te fi al mu'abbaru te mom lañuy al mu'abbaru anhu mom lañuy tuddé manam mom lañuy exprimer fil isharati ci jundu gi anillahi jele ko ci bur yalla ta'ala ji kaw di han manam yuqalu fo xamne wax nañ anhu ci mom nan moy mom lañuy jundu ci wax ci isharat bi moy man kushifat lahu han wala bok man kashaftu lahu an sifati alzamtuhu aladaba wa man kashaftu lahu an zati alzamtuhu alatab kep ko xamantene man kushifat kep man kashaftu lahu kep ko xamne wunil nako an sifati sa wulif samay melo alzamtuhu damoy saxal ci kawam ci mom aladaba teggini wa man kashaftu kep ko xamne wunil nako nak lawo ñen ko zati sama jëm ci alzamtuhu dam ko saxal ci mom alataba choono c'est que kon limu wax nonu manam moy ci sax gi mi sax ci di jëf li yalla bëgg di bay limu téré jël zikkar yi nga xamantene mom lay zikkar manam saxo sharia dal ak zikkar yi nga xamantene mom moy zikkar yi joggé ci alquran manam ci nitu yalla bi sëriñ bi nga xamantene dafa jokk zikkar bi mu lay jox nga diko utiliser diko def nim la ko waxe ci ngay dem di sax nga ci lolou ngay dem parce que nak yoon bu guddula yoon bi du da ngay xey tay ñu jox la ben zikkar tay wala def la ki tay nga dem tay nga yegg tay c'est ça mutu dal radhiyallahu anhu gis nga limi for ben nit la jox wer du mu am fatte ci sa ci ben nit mais sino ñi ci dess ñep ku mu jox da nga ci ne sax ci yag ji leg la doga am fatte ay jamono tarbiya day duy day yag yoon nitu yalla yi du yoon bu gatt yoon guddula gisal nañ ko chapitre 13 yoon bu guddula bo xamantene ay choono yu dul jeex ci nek ay façon yu dul jeex d'ailleurs sax ku xamul a un moment donné day fogné mom est-ce que tardé wul cet chapitre dina radhiyallahu anhu mom ci jëmi bopam amna ben qasida bu mu jundon bi ci joy nan mom dal dafa perte dundum gis na ni dundum daf ko perte quoi parce que finalement légui mo am 40 ans té wala ëppal nako té limu bëgg yépp amugo ci dara and ak choonom yu bëri yi mu doon def fu mu dem yoon bi loolu lu gudd la lu jafé la lu metti la lu compliqué la ba para ci voilà mu kaaba do metti bo après ci ngay démé nak am mushahada voilà après nak ci ngay da am mushahada manam moy témoignage contemplation après ci nga koy am mais do xey rek comme ni ñu né voilà ñu né dégg na sëriñ diiw sëriñ bu baax la rek nga dem ci mom rek mu jox la ben affaire bi ki rek nga tok 1 mois gisso dara wala so ngey mi sore go rek nga joxe ne est-ce que serigne bi li ñuy wax ci mom lool la par contre di nga yeg ne amna luy nekk di defaru ci yow di ng ko yeg mais yeg nak benen affaire la yoon bu gudd la legui mu ne yu bokk yegg bobu nak manam bu bokkerom nak ngay jël nak ñu lay nandal nak ngay doga mat nak di doga dugënte nak sirr secret bi nga xamne moy joggé ci yalla secret borom bi nga xamantene ci secret bobu sababam ci ngay amé lab gu mag gamak nak gi tax ñuy wax bobu lab gogo nak nga xamne lab gu mat gogo nak mom moy extrémité yi té mom moy terminus ha bëgg yi fofu nak mom la lay wax ne la mom lañuy exprimer ci bu nan bo yal buñ nan yi sans borom subhanahu wa ta'ala dafa wax nan kep ko xamantene wuññil nako samay melo dana saxal ci mom ak teggine manam yalla bu la woné ay melom nga gis melo yalla yi manam nga dem ba nga xamantene am nga dévoilement par rapport ak meloy borom subhanahu wa ta'ala da ngay obligé nga am ay teggine par rapport ak yalla day am teggine yoy am doto amati comportement yi nga xam tane teggine nak baat la buñuy jëfëndiko pour wax manam ay règles de bien séance manam ay xéetu doxalen yo xamantene non nga wara mel niki non tariqa yonnitu yalla yi lepp teggine la amul leneen lu ci dul teggine farata la ci yoonu nitu yalla yi melul comme ni mu nekké ci sharia nga xamantene ben nan par exemple adabul aqli adab mo ak yu mel non ay teggenu lek teggenu togin ay teggenu yire solin yire ay yoyu adab zinat adabul libas adab yoyu non bokku teggin bobu bokku teggin bobu bokul tamit comme ñun niñ ko waxe teggin comme ñun wolof amna baat bu ñu jëfëndiko ni ki dafa am teggin dafa am yar ak teggin manam baatul teggin fofu day fir yar manam bu doon arab dañ nan at tafsir la manam dañ nan conjonction de coordination biñ duggal seen digënté day fir bu jëk bi manam dafa am yar ak teggin manam en fait c'est comme si ay synonyme lañ baat yo voilà voilà presque baat bi ben manam ben bu ci nek mënon na taxaw taxawayu benen bi sauf que ñom ñaar le fait que ñu and day tax wax ji gëna deugël day gëna rafet aussi wa day gëna rafet voilà donc lool moy bokut ak bobu tam bu ñu wax nitu yalla ci téggini tam yi bi ñuy wax ci du bokku du bol du lool téggini ay ensemble de règles la yo xamantene yoyu la bu da nga samonté ak mom ci digënté yow ak sa borom ci digënté parce que borom bi surtout bu la wone ay melom ak yoy dafa am ay kon ay règles yo xamantene la ngay moy mu ngay teur do ñëmé def li ñëpp di def ak di wax li ñëpp di wax do ñëmé mel ni ñëpp mel do ñëmé dugul ci li ñëpp di dug parce que yoon bi nga soobu motax niki nonu sa digënté yow ak sëriñ bi am ay téggine yoy gisoon nañ ko chapitre 17 chapitre 16 17 japp 18 ba 19 ba chapitre 23 presque ci voilà ci lool la doon wax ay téggine yo xamantene nit ki daf ko ram ak sëriñ bi mu nek ay téggine yu bare bare mu am téggine yo xamni nit ki daf koy am par rapport ak bopam yoy tam di yenen téggine la yu nit ki di am par rapport ak bopam wara samonté di fexé bay jaamu yalla fexé ba yenn yu bon yu du ci dugg abadan fexé ba yenn mu jombalé ko bopam fexé ba di xalaat yalla sa suné di bañ diko faté di fexé bay samonté li yalla yi bëgg té bayyi mi téré manam yi par rapport ak bopam la am ay téggine yo xamna par rapport ak mbokk talibé yi la am sax ay téggine yo xamna par rapport ak julli yépp la am téggine yo xamna par rapport ak mindeef yépp la nit jinné malaka mala garab ba ci objet yi sax dafa am téggine yo am par rapport ak ñom yeug di ngay yeug ne dañuy sabbal yalla fuñu tollu day tax do doxale ak ñom nu la nexé et cetera yoy manam ko ku découvrir melo yalla yi mo koy xam da koy comprendre vite fait day comprendre ne amna numu warul doxale ndekete ak objet yi sax ndekete objet yi sax war bu may jëfëndiko ak ñom ndekete waruma def di jël rek door muta dedet ndekete dama wara am respect même par rapport ak ñom parce que lan parce que ñom duñu luddul ay feñu way ci feñu wañu melo yalla yi ak ay turum manifestation voilà manifestation lañ ci manifestation yi tour yalla yi ak ay melo ñom ño tax ñu nek han ala dem nitu yalla dafa demon neena bëgg tour ndox neena mu dugg ci wala bi bëgg tour ndox deg ndox bi di tuddu yalla tuddu yalla mu daw mu genn wa ko cheikh abdass da baax la wa beema defu ko tellement dafa dafa deb yiim ndox bi ñuy tuddé yalla ñuy tuddé yalla et cetera donc yoyu moy tour yalla ak meloy le fait que yoyu day tax nga am yeen règle lool nak lay wax ni ku yalla wuñil manam ku mu dévoiler melom yi day saxal ci mom téggini waye ku yalla wuñil jëmum day saxal ci mom choono mom nak lay expliquer choono gog lay expliquer muna wa hada al'atab gogu choono nak huwa moy ghayatu njombot ak muntaha dayoga dayak al arabiy moy arab manam moy beug beug yi wa muntaha te moy dayak tamit matlab al'abd sakutefu jamgi fa inna hadha al'atab li werbo mer bobu choono huwa mom moy mahallu berebu al istihlak manam ak istihlak moy fadu jeex alko fil haqi ci bur yalla bi deug manam dem ba nga xamne alko moy lolu alko halaka halaka limi tekke en fait buñ ne halaka alko al halak mais moy halaka moy de rek halaka moy de halaka moy fadu moy rire complètement dem ba nga xamantene yow sa existence dafa disparaître moy disparition moy halak al halak legui nak buñ né diou dafa alku en tout cas ñun buñ ko waxé day voilà moy existence daanako mo dafa voilà daanako voilà sa raison d'être n'est plus voilà wala disparition wala manam dal voilà c'est une façon la pour wax mais halak moy de moy fardo moy disparaître wala nit ki nak day dem ba nga xam dal moy place bobu lay wax ne nak day dem ba alku manam moy ba disparaître jeex fiir ci yalla mom lay wax ni voilà c'est exactement lolu choono gogou lolu lay tek voilà choono gogou lolu lay tek manam choono gogou boko tek choono yaram et cetera mais lolu la moy da ngay dem nga xam tane da ngay fanaaw da ngay jeex ci yalla xaysu ci anam go xamantene lolu nan lay amé mune yuslabu dañuy rikki al abdu jambi min awsafihi ci melom jeeliko ci melom al bashariyati yey ko djug nit wayul basu ñu da koy solal khilaata ittifafi yere yi han ittifafi melo bil awsafi ci meloy ar rabbaniyati yey ko djug borom subhanahu wa ta'ala intaha fi rajah kon lool lay tek manam choono gogou du choono yaram ak ki moy lan moy dañ koy yikiti day dañ koy manam moy le fait que muy faddu muy sey ci yalla lol nan lay amé mune moy ni muy amé moy dañuy rekki nit ki rekki moy dañ koy dañuy rekki moy dimbi nangou ko xamné day and ak dole ak amo ci choix ba paré da lay bet lolou rekki ah moy deux minutes de ses fonctions voilà mu jekke comme nit nek premier ministre di dawal autom tal journal jekke deg ni ki ci presse bi ni nek monsieur le premier ministre a été démis de ses fonctions di auto bi et oh voilà il est impératif dans les xawma nangam na delo mbolam li nga xamantene mom la won ci ay privilèges waaw ak auto yak lepp nako gi lolou moy rek manam moy dañ koy jël xiti nangu jël lo xamantene duñu la tax mo luñu nekki lolay rek yalla nante yalla musal wala legi nit ki nak bu deme ba yegg ci yalla non ba jeex ci dañuy rek ci mom mom dañ koy deñu jël xam bon façon waxu la mais man pour wone ni niñ koy jël dañuy genn dañuy nangu ci mom ba doot ko deset moy melo jëm nit ki melo yi nga xamantene moy melo nit moy lan ay doye di ñak rir am doye di ñak rir ak torox ak yu mel non melo ñu solal ko xam melo xam xam moy melo borom bi melo am doole katam manam al azzat moy notoriété notel puissance hein ak womal richesse womal ak manam tedd kon xam amna benen bu dess ak wala ak force doole man ak man yoy melo borom bi la yi jekki ñoy melo nit doom adama légi nak bu démé ba jeex ci yalla yalla nak da nan ko légui melo yi amo droit yow dem jëli jiko sol ko amo droit bi mais comme ñew nga ba jeex ci man yalla nako wa légui nak may nangu melo yi nga xamantene ñoy melo doomu adama yi néwon ci yow solal la sama melo man voilà mom la lay wax ni mais lolou yep mi ngi amé lan ci nga top yalla ak yentibi sallalahu alayhi wasallam di saxo zikar bi tax nga meuna sax ci lola te zikar bobu moy bi la serigne bi di jox te serigne bi jox ko la fa bi nga xamanteni ya ko jël so bop lolou la wax mune intaha jeexna ma aranna lañu namon naqlo to xol ko min kalamihi ci ay cadeau mom cheikh ahmed tidiane radiyallahu gërum allah wa ta'ala ci ko jaro ci mom annatum bolen ci gërum gi bi ci barke wa qala waxna fi tuhfatu ihwani munawal khilafu tuhfatu munawal khilafu wutek al khamis bay juromel ba yani mi ngi tay nam min usul at taqwa ci ciosani ragal yalla al haqiqiyati bay bu deug ba deug manam yi nga xamantene dañ ci wouté wala bok juromelu mbir bi nga xamantene ciosan la ci ciosané ragal yalla bi nga xamné moy bu deug bi bu rayal bi moy dawamu zikr moy saxo zikr alladhi bi nga xamantene laqanahu sa nako ko lo ñeel ko cheikhu ak serignum fondement ragal yalla li tax fondement ragal yalla di sax ci xol nit bi tax nit ki di meun di ragal yalla réellement nam ko wara mel moy mu sax ci zikkar bi nga xamne mom lako serignum jox fondement bu mburu la ci la ta jawazu du ko jigi ila ghairihi jëm ci benen illa lul bi izni ci ndigal illa ndar al awrad khana werd al maqsusat yeen jago bi tariqi ci yoonu sheikh ni serignum manam serign bi bu la joxe ay zikkar comme werd comme sun tariqa par exemple buñ la joxe werd yi wazifa hadar jumaa ne la yoy ñoy lawazim ñoy li nga xamne mom nga wara saxo lazim lawazimha lazim lawazimha takfili talibha min al manafi' fi dunya wa akhirah sa xol mom la sun baba ko doon wax radiyallahu anhu sa xol lawazimi moy ju ñetti lolu doyna takfili talibha doyna ñeel kep ko xamne day sakku dara ci lu mëna doon min al manafi' ci ay njariñ fi dunya ci aduna wa akhirah ak allah akhirah doyna ah ridwir dahul azba la tabjar biza abadan innal manahila tahmi min mazayahu rotal ci rot wayam bi nga xamantene ndox la mu sel tey tey timtim moy al wirdul azba wirdul azba la tabjar biza abadan fexel ba bul ñak mukkuti rot ci rot wayam bob moy werri sa werri saxoko lolu nga saxo ci ndaw wala mbalkay wala geedju sir xahmu tijani radiyallahu anhu nabih mune lutax mune lan gis nga innal manahila tahmim mazayahu gis nga ballu way bi ballu wayu geedji ballu wayu dexi source yi ballu wayu mbalkay ballu wayu deeki ballu wayu sayani ballu wayu ndayi manam chatu do bi tax robinet yep branché wu ci geedju nitu yalla yi tax mi mi mazayaho ci ay mayam la joge mo sesse ko di jall radiyallahu anhu Allahu akbar legi dafa bok ci sanu ragal yalla yi mu ne kon zikkar yoy zikkar yi ñu la wax ci tariqa bi mom nga wara japp diko respecter saxoko doyna tu nga am ragal yalla ak li nga bëgg yépp aduna ak alakhir yi doy nañ werd wazifa hadarajuma doy nañ seuk legi nak mo la seuk dafa am yo xam tane moy azkar ikhtiyariye moy khairul lazima tam dañ koy wax azkar khairul lazima dañ koy wax al azkar al ikhtiyariye moy we zikkar yi nga xamantene saxuul ci nit ki du lazim du lo xamne dafa saxo ci mom wala zikkar yi nga xamantene ay daf koy tan moy tan suko nexe mu def suko nexe du ko def yoy yi nga xamantene par contre dañu jago ci tariqa bi yoy la lay wax ni manam yoy la la wax ni la yoy tamit a part yoy xana mën nga def yu mel non loolul ci ndigalu serigne bi par contre mën na ne la jëlal werdi après mu ne la mais yow particulièrement sa xol aussi nangam werdu sangam wala zikkar sangam wala mu ne la mën nga jël ay werd ay zikkar yu nekk tariqa bi manam mu wax lako ak mu bañ lako wax mën nga ko def au moment où ci bir tariqa bi manam zikkar la yu tariqa bi jago loolu la wax mën na la defal wutul spécificité yoy tam mën na la ko defal moy mais mu defal lako ak mu bañ lako defal mën nga ko utiliser au moment où ci bir tariqa bi la bok lu motax chapitre bi passé serigne bi mo djoum ñu nek ci ñu nekko ci di wax yeen sa salam wa ñu doon dox exactement du mom mom jamono du doon joxe werdu wala doon joxe ay werdu wala wala deug nga suma top xalam wax baada kalam ginnaw ak kaddu munewa minha bok na ci batay manam yaani mi ngi nam ci lolu minal adab ci teggin alati yi nga xamna tut labu def nako sakku minal muridi ci talib bi fi cheikh ci akku serign bi bok na batay ci teggin yi nga xamne moy règle de bienséance a observer yi nga xamantene dañ koy sakku ci serign ci talib bi mu war ko am vis-à-vis de serign bi moy mulazamato moy musahok al wird wird alladhi bi nga xamne raxabu ko mom la ko taftale fa inna li wird bo wor moy madad ash-sheikh madad serign bi madad en fait buñ ko waxe madad moy flux wala bon en tout cas madad moy leer gi nga xamantene day jugge ci hadara yalla di wacc ci nit ki bu fekkete ne zikkar yi nga xamne dafa general yoy dañu indi madad me ci hadara jamal lay jugge li bëbb bol du bëbb han li bëbb non bëbb moy fayba madad nak moy leer gi rek la fekk muy ñew ci nit ki du dubbu ci hadara jamal lay jugge motax ñepp mën nañ ko jëfëndiko mom motax motax bo gisé hadisi moy mom la hadisi di wax nan illa khashyat illa hafathumul malaikatu wa khashyatuhumur rahmat wa dhakarahumullahu fi man indah ñoo lool lay wax nit ñi buñ dajjo di zikkar ak yoy mom zikkar bo xamne ñew na ci alquran ci hadisi et cetera muy zikkar bu general ko ci hadratu jamal la joge ndax nan mu ne ko khashyat manam lool bu amé da ngay gis malaaka yi dañ ñew ak seen laafi yeurmu nek yalla gis nga as-sakina dal wacc ci ñom ak yeurmu nek yalla yalla di leen tuddu fa ñom fa ñom fa malaaka ye nek fa mom et cetera yoyu lool lay madad la lool lay ñox madad manam moy leer gogu rek ni mi ñew mom lañ tuddé madad mais bo moy bu zikkar bi généralé mais bu dé zikkar bi zikkaru tariqa yi la nga xamné dafa particulier motax sax yenenbi sallalahu alayhi wasallam yam amna yum doon joxe da ka dan beru diko jox nit ñi ñen ñi nek lum lay jaglé lolu koku madad bobu ci hadratul jalal la joggé motax dafa and ak tangor lolu mo motax nit ki suko joxé wé moy mo zikkaru tariqa bi zikkar tariqa yi dubi yi zikkar tariqa yi amo droit ñu jëlul ko nonu rek wala ku amul ndigal joxe ko tit ci muy khalifa yi wala muqaddaf yi joxe ko amul ben tariqa bu am ndigal bob parce que lolu soko defé en fait nit ki madad bi comme ci jalal la jugge day lak ruh waaw hadra bi mu jugge la manam leer gi day foray bo xamne day wala day and ak tangor bo xamne day lak ruh bi wala mu def ay effet yu negatif yu bari ci nit ki bal amna gaay buñu jang non ñu nek ñom buñu koy jang da ngay tang effectivement benn jour jëm na ko ci da ngay tang jeer ñen ci ay sax dañ señ Abdoulaye joxon na mako may benn lool señ don nañ ko jang quoi ob seyfilu seyfilu waaw mais non dafa ndark lolou tout dépend ci ki koy jang ak ndigal giñ ko jox ndigal comme ça ah oui parce que ñun légui dañu am habitude lu ñu gis jang waaw wala ñuy jëlé ndigal fu amul ndigal wëru dina may problème ma ndax lolu bokay jang man ben jour jangatu ben dama ko essayer rek début commencé mais effectivement ñom liñ ci constater mom la ci constater hein mo lay tang da ngay tang jeur waaw voilà commencé wote tout la ci jang hein légui ala kul hal mais non mais nak aussi il faut que ñu leral fof ben affaire moy amul dara lu ci dangereux zikkar yi gaay di def ci tariqa yi amul ben bu ci dangereux d'ailleurs ay bénéfice kessa la bénéfice la parfois tamit day ba idée reçue yu bari non wu bobu ki d'ailleurs bo xolé maire dañu ragal werr bo xolé mère no yi xalé du jël werr yi ki werr nangam yi jigen mom yu na xaar ba ci kanam lol idée reçue la dafa am yu bari yu mel non wax na ay idée reçue la dal deug la nak tangor gi mi ngi mais bu amé ndigal day koy ségg day ségg mbiri de telle sorte que lu depo ak sa roh ak yoy manam serigne bi ci bopam moy ségg affaire dila jox madad bi lolou lañ do lolou lañ wax nañu dose bi exactement dose bi nga xamne mom nga soxla ak bi lay jariñ ko ci serigne bi lay joge motax serigne bi waw motax serigne bi c'est importance bu matul ak ma fere voilà mais nak serigne bi voilà mais serigne bi tekki wul budé ci tariqa bi hein serigne bi tekki wul ki ngay dundal Cheikh Tidiane radhiyallahu anhu mom lay tek khalifa wala muqaddam bu ne bu wéré rek mën nako def mën na la jox wér la mën na la jox ndigal ci mbiri su dé mom amna ndigal su dé muqaddam la am parce que attention du muqaddam yépp am ndigalu joxé lepp amna ño xamanté wér rek lañ am droit joxé amuñu droit joxé lenen lenen lu dul wér amuñu droit joxé pourtant ñom mën nañu am ndigalu werd zikar yep mais amuñu digelu joxe ko leena tamit ñun bari na yo xamantene dañ nan kay ma jox la ben zikar buñ ma joxon fek zikar bi yow iznul akhdh nga yor mais amulo iznul i'ta yow digel gi ñu la joxon dañ la jox digel pour yow rek wo kay yow nga jël ko nak nan ko gis sa xaar ma jox la dal na ma dafa bet doom sey sa sey yus taf ma joxam ben zikar ben pa moko jox nek gam nen yef yoy wer nak 40 ans bu muy do bam ci do bis ndari mom bu yalla teuf rek lo net mais nen nak dina 40 mu joxam ben zik mais daf maka jox mënumako jang mo len jox na mako ay fan chaque jour man tay suba mais dama dem Turquie Antalya yef dina mo foma tegon c'est un bloc note la ko won ak sama ñaan yu bëré non la ko perte waxon ma xamé né waruma ko jëfëndiko en tout cas amna différence dal en tout cas entre nit ki jox la manam nit ki jox la ndigal ak nit ki manam ndigal gi nga xamantene mom lañ la jox ak yow bi ngi koy wara joxe amna différence du wer du zikar buñ la jox bu ne am nga droit yow tamit jox ko kenen lolou motax de il faut ñu préciser le neena lima la jox ni am nga droit yow joxe ko comme tariqa bi la rek comme tariqa bi rek muñ neena la am nga droit werde manam kay ma jox la tariqa bi ñu ñew bi neex ci tariqa bi ñu jox lok ñu la ene jëlal ça veut pas dire que ni yow am nga droit werde que ni bo gisee kenen am nga droit jox ko tariqa bi tekiwul lolu niki nonu yenen zikari yep non la demé c'est pas parce que am nga droit utiliser ko que am nga droit yo tamit diko joxe comprendre nga tant que legui joxul ndigal pour nga joxe ko non mom déjà mën na am droit joxe ndigal ba paré do am droit joxe ndigal pour ñu joxe ndigal momit lolu tamit amna il y a une complication. Il y a une différence. Il y a un droit pour nous faire un digal. Mais il n'y a pas de droit pour nous faire un digal. Comme Kadami, si tout le monde a un droit, tu sais qu'il y a un droit pour nous faire pour nous faire. Mais il n'y a pas de droit de faire quelqu'un qui est Kadami. Il n'y a pas de droit. Il y a un droit pour nous faire Kadami. Amna droit di jox mais amul droit wax kenen nako yow legui tamit def na la muqaddam amul droit yoy yep motax fook ñu motax yoy yep motax ndigal yi wuté ay catégorie lañ motax buñ la joxé ndigal ci dara dañ lay préciser na la jox na ñu wiru tariqa bi waaye li ak li ak li ak li ak li fook ñu préciser lako buñ lako préciser wul da ngay yam ci strict minimum bi voilà da nga yom ci voilà il faut que ñu préciser la jox nañ la li waye am nga droit def ni voilà baxna legui nak boudé kenen ko xamanteni ku joxe ndigal bo amul comme tay par exemple nga dem fenn ñu jox la tariqa bi nga jël yow nga dem commencé ko joxe da ngay dox ci tariqa bi hein aw autorisation ngay dox ci tariqa bi wala nga am droit joxe ndigal kesse joxe tariqa bi kesse ngay mu ngay yow nak legui ngay muqaddama lat yow da ngay dox ci tariqa bi wala nga am droit ñu ne la zikari ci tariqa bi comme seyfiye ki yek yoyep am nga droit def len yow ngay jël affaire bi diko joxe yow tamit da ngay dox ci tariqa bi parce que amulo droit bi té ko ko sey yusuf da ñom yu bari ha xam nga la wax né mom abdou mo bax yu bari mom abdou mo len ko joxa da na ma jox ben zikkar sax bo mu né bo way zikkar sax ma de ta borombe malay sax dañ lay nuyu légi après buñ paré ñu waxtaan ci sa cadre de figure yoy sa cadre de figure yi nga wax légui kon fikkar yi nga xamné ñoo aju ci tariqa yi il faut ñu comprendre ko voilà ñu comprendre mais lool mom moy digënté ah mais man na am ci conséquence tamit ki yow comme joxuñu la digël pour nga jox mako man mi kay wërdat na day am conséquence yow lool la la wax non la wax na la conséquence moy man ak wa nekul photo waji kay wer ndax xamul yefi madat bi ciosan bi famu fekk madat bi la fluy bi la xam nga amna melni luñu sarti rek nga jëndu non c'est pas ça c'est comme un flux voilà quand le flux n'est pas contrôlé voilà yow flux bi ñu dox la ko voilà et que yow flux bobu contrôlé woko yow ki ko jox mo tamit du ko contrôlé parce que yow contrôlé woko voilà voilà da ko mel ni dox le robinet ñu dox le robinet branché la alors que joxuñu la nan ngay mëna doser vitesse bi yow maintenant yow maîtriser vitesse bi nga bëgg jox vitesse bi kenen mais vitesse bobu boko maîtriser kenen boko joxe voilà ko maîtriser parce que yow maîtriser gëna bonne sax voilà affaire bi lolou da koy gagne parce que flux le vitesse là vitesse bi faut nga maîtriser ko pour meuna doubler affaire bi ni fo nek ak lan la soxla lolou ta lolou dou l'intérêt aussi ngay xol li ngay jël foko jëlé motax ñu né la bok na ci charte tariqa bi première moy muqaddam biko joxé am digël lu wër yefi wër na waaw fa mom d'abord maintenant affaire bi wër na fa mom nak aju wul ci né ci famille la keur wax ay keur diw la dekk wala ñom fa la magge ci keur ga wala moy doomu diw wala dedet mo kadami numi dame na kan mo len digni waaw lool la wax sax c'est à dire que mo kadami ay catégorie la ñom tamit waaw cheikh ahmed tidiane la deral mo len di désigner waaw d'accord mom mo jox ni ki def nako mo kadam ki def nako mo kadam ki def nako mo kadam ki mom du mo kadam kesse khalifa la ke muqaddam la waye mom werd rek la meuna joxe ki muqaddam la waye meuna joxe werd meuna joxe lenen meuna joxe yenen zikari ki muqaddam la bu meuna joxe zikari ak werd yi lepp meuna ko joxe mais man ta jox kenen def kenen mom muqaddam ki mom meuna ko mais nombre de personnes yima ko permettre pour ñu man mu def meun len ko def dañu limiter et cetera c'est que lool yeb dañ la koy préciser yoy yeb ay précision la ay façon ay hein ay mbir la légui nak ci bir ñooñu cheikh ahmed tidiane radi Allah sampon def leen ay muqaddam selon liñu doon amna ñu mëna joxe leneen et cetera manam affaire bi di mën di continuer ñooñu tamit dinañ am droit joxe selon seen possibilité ñom tamit manam ba digal li ki mais sous condition que nit koku nga mën ko xol ba xamné par exemple nekul ci ay domaine yo xamne mom bamou déraper bamou guéné yag na parce que lolou tamit day am gelé wi le worul wo genn vidéo baaxul non amna ñu bari ñu mel non ño xamantene bañu drafé ba genn yag na xam nga demb rek dugg di genn ñi ngi doon waxtane dafa comme ko xamne dafa doon def en fait jamono joju dañ da c'est que waji daf ma gis may def ay salat fatih do précis nombre voilà légui mu bëgg def nombre man bi may def allah ah légui légui ko defé da ko deuxième jour dal bimu ko defé mu febar ni yobou ko hôpital fi ci militaire fi déjeuner si si buñ ko fa yobé ñu duggal ko ci sample ko ay bouteille mo dem fekk ko fa laj ko ne ko mais lan mo la dal mu wax ne yaramam du fay tang gis nga mu ne sama yaram gis ci bir day tang après ngi ma gis muy metti fu ne ki tout ça mais xawma dal exactement lan la ko man ko mais wa hôpital lan lañ la wax non c'est que ñom dañ ni dal gisunu dara amul ki man ko legui yow lo doon werr mu wax ma ni ma wax man dal c'est que deux mu ki salat faté nangam man ko ah mais dang koy bay dang koy bay nombre bobu dang koy wañi def li nga daan def parce que mu def ko mais même pas deux jours mu guen hôpital dara jotou ko bi dama jëlone mo upp ci bob mo uppon ci bob ba paramu bob jëlou wër sax lo li gëna graw moy bobu jamono joju wër du tidian bi jëlou ko won bokku da la gañ Allah wër tidian bi jëlou ko amna nak ay yenen yo xamantene ay conséquences affaire yoy la manam di jël ay di zikkar yo xamantene amu ci ndigal wala parfois dana ci am ndigal mais ndigal li wérul ñu ñëwé ay asraf secret ñëmé yoy non yenn zikkar fek ñu bari yoy la len di gaat gisoon ni serigne nasara ni lu ci ëpp duñu am dara dañuy pauvre lu ci ëpp fofu lay joggé ñom lolo tax sax am ñu bari ñu ni ku koy wedd bo do am dara barse c'est fini non pourtant nak contraire bi la waaw man da am la wel problème contraire bi la yeuf nak mais xamna kon ñom ñukay def dañ ci amul ndigal bu wedd waaw amna ci ñu amul ndigal amna ci yo xamantene xam nga tamit c'est que ñun sénégalais yi tamit dañu bëgg exagérer dañu bëgg di exagérer ci suñu wax mais dal li gën sax mom li gën mo yam ci salat fat mo gëna wor mo gëna gaaw té mo gëna yomb mo gëna lempit mo gëna ratax mo gëna woyof té mo gëna gaaw té mo gëna mëna joxé liñuy wut mais comme dafa simple dañuy fogg né Voilà. Il y a un degré. Dingue. Il y a un degré. Il y a un degré. Il y a un degré. Il y a un degré. Il y a un degré. Il y a un degré. Ah mom da len day griller affaire ya long terme da koy court circuiter hein long terme problème à court moyen et long terme ay problème yu dul jeex la len dendeul sen lepp brouillerou te lol moko indi surtout bi ci gëna dangereux moy fokk né ki nga japp ku mat la ndekete gay re lay wala fekk bamu jadde yag na yalla ñaw tam yaangi deg kon dal mir bi dal moy jokk ci serigne bu mat wa ba pare limu la jox nga yor ko diko jëfëndiko nga yam ci limu la wax ndax madat bi manam flux bi li lay jari ci serigne bi lay joge du joge fenen te bu joge ci serigne bi te madat bobu mom la wax fa innal madada sheikh manam madadu serigne bi fi wirdihi mi ngi ci werdam allahi bi nga xamne rattabahu mom la toftale mom la la jox werd bi mo la jox lepp lu lay jari leer yek secret yek maqama yek lepp ci li nga koy amé doko amé ci fenen doko amé ci lenen kou la fi wax lenen dalay nax werd bi mo la jox bi bi ni bi bi bi bu simple bi bi ni ha ha bobu la lenen lu la fi way wax dala bëgg nax da bëgg suwat nga top ci ginnaw wala mu bëgg lek sa xaaliss wala mu bëgg la triyande wala mu bëgg nga japp ne mom dafa am yu spécial yu tax mu gëna gaaw ko yow wala lenen dalay nax affaire bi yëpp fi la nek nekul fenen werd bi la bi bu simple bima yor nga yor ko ki yor ko ñun ñi ñu yor bobu la du benen bobu moy yikiti gaay du benen gaay dañ lay nax de bi la bëgg gëm lool ñom dañu am affaire yu spécial yu tax ki dedet bi la ci lañ nek bi la du benen bi mu werd bi cheikh tidiane daal jëlé ci yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mu toxtal ko ko jox ko ko ku yegg ci nga yeggé képp ko xamantene fonklo bi do yegg abadan amé bi la du benen deng mune fa inta khalafa deglu fa inta khalafa suute anu woliko manam su fekenteene werdu bi respecté wuko faqat koku deug deug hurima xagn nañ ko almana da marab bi xagn nañ ko teub gi fluu bi lañ ko koy xam wa hay hata te sori na an ya sahha ci muy wer manam ak tukkem di wer ci tarikh ci yoon nitu yalla yi day sonal bopum rek yaakaane evenement yi serigne yi organiser nga nek ci sonu ak ak ci ak ñom di lolu du lolu mo lay defar li lay defar moy wer yi ni mu la ko joxe ngay tew di wer de heure di wazifa di ko def ci nit ñi fi mbolo ni ngoy defé ngay hadara di fekk lepp di baña tardé lolu mo lay jox affaire yi du lenen serigne yi ñi organiser di def fi di ki yoyu yalla bu téré nak bu féké bu heure julli joxé sax duñ julli fof wala bo tuyé sen jotaay do wosu ko ah bo da ngay pet doublement baax si ñom dañuy am ay wérdu ñu leen dox ñom day am ay wérdu ñu leen dox sama gis yo madam ñu wax kenn wérdu mais na fekk ñu comme ñu wax sangé li ngeen fiñ bi dégg ak mom tout temps dañ ci am ay maqam pour ñu wa lool di nga ci amé dara mais ndax bëgg gis ndax bëgg gi la quoi lool parce que tam benen tariqa la lool benen voie la quoi ci biir parce que voie bi tariqa bi dafa am zahir am batin zahir bi moy werd yi et cetera li nga war respecté yoy batin bi nak moy le fait que sa chofel di sax ci serigne bi wa ak nga geureum yalla diko sante et cetera ak tamit ngay defal da res bi manam ngay woné ay mbir par rapport ak serigne bi lool bobu ben mais bobu non pour mu jariñ la il faut que bi feñ bi wer legui nak mu dess dafa am lo xamne mom tariqa am lul tariqa mom du ñak werda buñ lay jox te werda bobu fokk nga am ko ci ndigal te ndigal bobu fokk nga am droit joxe ko kikoy joxe lolou fokk mo fekete lolou amul nak mom yeena ko tuddé tariq yeena ko tuddé suma qala tu wax ba'da kalam ginnaw kaddu mune wa minha bok na ci batay yani mi ngi ci nam min al adab ci teggin allati nga xamna tataallaq dana takok al murid al talib fi nafsi legi nak ci bopom xam nga amna teggin wax nañu aju ci borom bi ñew nañ ci serigne bokku na ci manam yi ko soxal nak le préciser tudul yeneen yi legui mu ñew ci bopam nak legui nit ki moy an ya'khudha ti muy jappé bil akhwat ci li gëna sam fi la ibadatu ci jami manam moy nit ki muy jaamu yalla nay jaamu yalla ci li gëna sam ni nga xamantene gisoon nañ ko ci chapitre Onze. Voilà. Exactement. Onze ou le douze de là. Bien là. Ah. Douze. Voilà. Voilà, douze. Douze là, douze. Moi. Hein? Mon gène est chimouté. Voilà. Ça monte. Voilà. Li. Bon, on exactement. N'yep, voilà. Wak ne li koukou def. Lola jar. Lola bah. Mon gène est chimouté. Waaw manam ngay def li gëna sam bu fekkentene tamit manam dal day matte ak du matte nga bañ ko jox solo xam ngal solo wala lu borom xam xam ñi naan li bax na ñi naan bu bon na dal ñi naan bon na te kenn waxul ne warna ngeen il faut ngeen indi teunk bobu ñi de lay bax na ñi ne bon na té kenn waxul né warna nga bayal len ko nga bako au moins soko bayé defo luñu téra luñu nan li warna ñé nan warul té kenn waxul né bonna nga def au moins soko défé en tout cas bayiwul lolu war ci ñepp d'accord nañ ni yow li nga def baxul té bawul war deng kon lolou ben la ci teggu mu ne waya wala yantaziru te bu mu xaar bu mu negandiku bi zikri ci ay zikkar yimi def waya ibadati ak jaamu yalla yimi jaamu yalla bu mu ca xaar sawaban ay tiyaba wala fathan du tiagan fatho bu mu ca xaar tiyaba bu mu ca xaar fatho nam suma koy def dagay am fatho ak yoy wala tay am dedet wa innama li ambades mu ya'budu day jaamu allah bur yalla ta'ala ji kawaji yalla dal lay jamm bu koy def dal c'est parce que mom jamm la yalla moy boromam ki daf ko wara jamm jeexna lolu lañ ko sante muy def mu def ko xaar yalla nak moy xol lum koy defal ak lum ko dul defal waye mom wudul dara ci yalla ludul xana deggu ci nek gi mu nek jammam jeexna ila an qala ba kero ba famuy waxe nan lakinnahu waye mom kat day la yastaghilu bu mu yittewo bu mu soxlawo illa lulul bi awradi ci ay werd ak tariqi tariqa bi yoon ba mom tariqi bu mu jël bu mu soxlawo lulul ci werdu tariqa bobu wama ak lepp lo xamne adina lo amina joxe na ndigal lo ñel ko fi ci mom ash-shaykhu serini bu mu yittewo lulul werdu wa tariqam mon tariqa ak xeyna serignum bu ne ko joxna la ndigal ci nga zikkar nangam ak nangam ak nangam xana lool mais sinon bu mu soxlo bu mu nek li preocupe ci lenen likoy jariñ ci lool la ne affaire bi simple la mais gaay ñoko bëgg compliquer day yok ci wana rek mais mbir bi simple na rek gaay ñoo bëgg bu compliquer et en plus kayu len mo wax len ben affaire gis nga nit suy weur dara suy topé yoon manam di yoonu nit yalla yi di ci soob respecte affaire lañ ko wax nek ci rek sax ci lu wara yexi ci mom té fokk mu jaar ci nit ba yex ci mom xam nga amna yo xamne nit ki du ko jox bopom day jaar ci yeneen nit ñi ba yex ci yow lu ko war day yex ci mom lu wara yex ci rek heure bu joté yalla dina créer circonstances ak cause yi affaire bu yex kenn du ci man dara lu wara yex ci bu joté rek day ñew da nekul diko wori du wër jaw muy wër dekité di jog di wër da ngay son choono la go xamantene jaru ko nekkal fi nga nek saxo li nga wara saxo te necc bu joté yalla dina créer circonstance ci anam gogou dul xalaté yombal lepp jox lako sans sax nga wut ko motax mo del jam rek te bu wul la nan gis nga ki serigne imam ash-sharani bi as-sarfadi sayyid ali bokku rek al-khawas as-sarfadi mune mom radiyallahu anhu mune yalla bi mu beugé jari deug dafa yëkëti sama xel ci na man yeel lo na nangam daf ko yëkëti sama xel xalaatu ko un mois avant may jot ndigal gu mat sekk ci sama sëriñ yi ci ma am droit bu ubbeeku ci tarbiyé waté ak manam mat dal né ñun ñu sérel ma né ma yow légui mat la libéré nañ la mën ngay tarbiyé waté ak nangam yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ñew jox ma digal Allah affaire bu joté rek lu jot yomb comme niko wolof yi di waxe lolou moy deug lu jot yomb di wër di wuti ji yoy yep ciono la jaruko togal fi nga tok saxol li nga saxol nekkal ci li nga wara nek wallahi alazim yalla moy womat mbir yi ci loxo kam wara jaar mu bëgg ko mu bañ ko yalla mo ko xëc indi jox lako waaw motax nekkal ci rek lu jot yalla yombal ko te bul am benen objectif xam nga am na ñoo xam na buma ci nekké bu yagge serigne bi dinuma gis dana ma def muqaddam dëgg bu nekk sa objectif bul ko wut bul ko sakku bu nekk sa xalaat sax parce que lolu du intérêt maam du parce que sa objectif yalla la sa objectif nekkul am titre gis nga tay buñ la sampone bu la jouni serigne wala serigne ci aduna bi yepp ñew samp la neena def na la muqaddam té yow affaire dé woko nang ko wara té lool duma né mo keuytu sugar ñoyam mais sorenté wuñ sorenté wuñ parce que sa digënté ak cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu dara warul dox sen digënté intermédiaire bi mom am warul dedet yow ak mom yow ak mom bu heure lu nek lu su joté mom dana la ko jox wala mu samp kenn ci nit ñi bok ak yow jamono ku mat seuk ku ñew jox lako lu jox gis nga amna ben sirru bu mak bu nek ci salatu fatih bo xamne ñu rar personne ñoko xam ñaar rar bari wuñ wirdu la bo xamne bobu ben tour la rek tour d'ailleurs tour yi nek ci bir salatu fatih tour yi yep so len bolé nga lim len da ngay gis tour bobu la tolol tour bi juromi xaraf la ben gis nga juromi xaraf 5 lettre la secret salat faté ci tour bobu la nek gis nga amna ko xamantene bimu ko bimu togué bëgg manam ngir sakku ko wala sakku ko sax Cheikh Ahmed Tidiane la dela nu mo ñew yak zatan nelawul ñew jël tour bi jox ko tour bob ben tour bi rek 5 lettres ben bi boko zikare melna zikar nga 600 000 salat fatih bi yalla wa ila moy secret salat fatih koku rar personne bu ñoo bari fu ñoo ñoo xam ñoo ko ya dépositaire secret 600 000 ak kayfiyé bi mi andal dafa am kayfiyé ni ngui koy défé ni ngui koy téggé ni ngui koy zikara té gis nga lu jot bu lako nit ñi joxul yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ñew joxlo wala sét cheikh tidiane radhiyallahu anhu ñew ciosan yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ciosan sét cheikh tidiane radhiyallahu anhu ci lepp moy ciosan xam nga lan moy l'essentiel yoy sax bu ko wut ay bëgg na secret sangam ak bëgg na xamna bul ko wut hatta bismillah alhamdulillah tour yalla bu gën me max mu nek sa objectif bul ko sax sakku sakul borom tour bi te mu sakku tour bi xamna François Hollande tour bi xamna ko est ce que lolo am jariñ wala mom ci bopom jëm ji mo uppi ndariñ tourum lu deug président ma xam tourum ma xam mom ci bopom ma fexé ba xam ko djégé ko mom upp doola ma xam tourum yalla tam lool la mom moy objectif bi du tour yi du melo yi du yoy ñoo objectif yalla moy objectif non non da da son rek sa sol patia liñ son non on da ben tay ben mère da ko genn señ maam di jigen la genn ko ci nek ci jardin bu nat ma sha Allah rafet ñu genn na dina mu laaj ko fu nek ci lu tax ñu nek fi ni ko ñu nek li dal salat fatia bi rek ñu may li ci lo rek lañ nekkon du benen gis nga salat fatia kenn werdu lu melni ko mom maggal ko lo mosuma te bu ko taxana amul lenen wa lu amul lenen sun hari wa radhiyallahu anhu salatu fatih ken wer du lu mel miki mom maggal ko lo mosuma te bu ko taxana ya yi gis nga sa wer bi boko respecté so paré yomak sa sal sal sal nga man tam lo man ci jang alcorane nga jang téléphone da yok choro da yok choro rek amul lu gëna gaaw li amul lu ko gëna yomb amul lu ko gëna woyef amul lu ko upp secret amul lu ko upp lèr amul lu ko gëna gaaw ci yékk ci maqama amul yi da téléphone rek gaay dañ lay bëgg nax nak yorna nangam dedet na tel secret dañ la tax rek ni yo fof inshallah wallahi ta'ala ala sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin